Ce panneau signale la fin d'interdiction de dépasser pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes.